Point commun, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois de 19h à 20h. Coproduite par Point commun, nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale RGB 99.2, et aussi sur radio-rgb.net. Émission animée par José Guérin, rediffusion le samedi suivant de 9h à 10h. Bonjour, très heureux de vous retrouver ici en ce mois de janvier 2020. J'en profite pour cette première de l'année pour vous présenter tous nos meilleurs vœux pour 2020, avec évidemment une invitation à vous sortir, à vous divertir et surtout à laisser une plus grande place possible dans votre vie pour la culture dans toutes ses formes. Aujourd'hui, Point commun, l'émission a pour invité en studio Mélanie Perrier, conceptrice et chorégraphe du spectacle « Quand j'ai vu mon ombre vaciller », artiste en résidence à Point commun. En studio, nous aurons également Maude Lucas, chargée des relations avec les publics à Point commun. Bonjour à vous deux. Bonjour. En interview téléphonique, Marion Sieffert pour le spectacle Pièce d'actualité numéro 12 du SAL. Nous aurons également Ahmed Madani, auteur et metteur en scène de la pièce J'ai rencontré Dieu sur Facebook. Et enfin, le collectif La Horde, concepteur et metteur en scène du spectacle Marie Mihin Bastiani. Point commun, l'émission sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Nous sommes avec Marine Brutti et Jonathan De Brouwer, c'est ça ? De Brouwer. Bienvenue à vous deux. Vous êtes deux des trois membres actifs du collectif La Horde, c'est bien ça ? C'est ça. Alors peut-être pour débuter cet entretien, nous parler du spectacle que vous allez présenter prochainement à la scène nationale de Cergy-Pontoise, Point commun. Un spectacle qui a pour scène centrale un mariage, donc un côté festif, mais je crois savoir que ce n'est pas forcément le propos du spectacle. Oui, donc en fait, pour raconter un peu la genèse du spectacle, il faut revenir à notre spectacle d'avant, qui était Tout d'abonne. Un spectacle sur le jam style et la circulation des danses post-internet sur les réseaux. Et pendant qu'on travaillait donc avec tous ces autodidactes avec lesquels on avait construit un spectacle d'une heure qui a tourné sur 80 scènes à peu près, on a réfléchi ensemble à ce qui avait pu inspirer cette jeune danse qui était née dans les années 90. Et à ce moment-là, on a découvert qu'il s'inspirait beaucoup par exemple, de vidéos qu'ils pouvaient voir sur YouTube de danse traditionnelle géorgienne. Donc c'était assez surprenant pour nous, et à ce moment-là, on s'est dit, bon, que faire de cette information ? On a commencé des recherches, et on a découvert que la danse géorgienne s'autoproclamait comme à l'origine de toutes les danses folkloriques d'Europe. Et c'est forcément cette question de l'origine pour la danse, une question qui est fondamentale quand on essaye d'écrire des spectacles aujourd'hui, de comprendre quelles sont les influences, comment on danse aujourd'hui, comment on dansait hier et quels choix ont été faits sur le chemin. Et donc on a juste commencé à passer beaucoup de temps en Géorgie pour découvrir la danse, pour la découvrir dans son contexte et voir s'il était possible de faire œuvre. Donc au départ, quand on s'est rendu en Géorgie, on ne savait pas si on allait faire un documentaire, si on allait faire une performance, un film, ou si ça deviendrait une pièce plateau. Alors, je crois avoir compris que c'est la puissance contestataire des danses traditionnelles que vous souhaitez mettre plus en avant, plus que le caractère lié aux traditions. Il faut savoir qu'en fait, quand on a été en Géorgie, on a rencontré le ballet national Shurichvili. Et en fait, ils nous ont raconté un peu leur histoire. C'est leurs grands-parents qui ont créé justement ce ballet. À la base, c'était de rassembler justement les différentes danses de leur pays, donc les danses du village, du nord, de la mer, de la ville d'en bas, pour préserver en fait leur culture, parce qu'il y avait beaucoup de guerres et une oppression soviétique. Et en fait, pour eux, justement, de préserver leur danse, c'était un acte de résistance, justement, pour garder leur identité. Parce que quand on leur posait la question à quoi ressemble un Géorgien, ils disent, bah, en fait, un Géorgien, c'est un peu de Turc, c'est un peu de gens de Russie, c'est un peu de gens d'Azerbaïdjan. En fait, il n'y a pas de critères physiques, mais par contre, c'est la danse. C'est la danse et c'est le vent. Et on a trouvé ça très très fort, justement, parce que quand on va dans un mariage, parce qu'on a été invité, justement, dans des mariages, tout le monde sait danser, justement, ces danses de caractère de leur culture. Alors, danse de caractère, avec l'idée plus de lutter contre les oppressions, et cela en dansant les danses traditionnelles, plus que le côté contestation d'aujourd'hui. Justement, le spectacle a voulu faire le trait d'union entre les deux. C'est-à-dire que quand on était en Géorgie, on a découvert que les danses traditionnelles étaient portées par des corps très jeunes. Et on était assez surpris de voir que toute la jeunesse géorgienne savait danser ces danses traditionnelles, autant les filles que les garçons, puisque les garçons ont des rôles très importants aussi dans la danse en Géorgie. Et on a aussi découvert toute une scène contestataire techno. Donc les mêmes jeunes du même âge se retrouvent en club comme à Bassiani par exemple, qui est un vrai temple de la techno et qui accueille aussi et protège la culture LGBTQI+. Donc une vraie ouverture sur le genre, sur l'orientation sexuelle. Donc c'est ce mélange qu'on a trouvé très intéressant et on se disait comment est-ce possible de faire exister dans un même corps cette envie de tradition et de reflet de l'histoire, mais cette puissance contestataire de la techno. Et en fait, il y avait comme une espèce de genèse de trouver une solution pour faire exister les deux et pour recréer des dialogues entre rupture et trésor historique. Et donc, on a trouvé que cette dichotomie était très intéressante à développer dans le spectacle. Donc, on a à la fois la valeur vraiment très politique de la danse traditionnelle et celle très contestataire du mouvement techno et de la musique techno. Marry Me in Bassiani, pourquoi avoir choisi un titre en anglais ? Peut-être que ça aussi, c'est un peu une espèce de question universelle. C'était aussi une langue par laquelle on passait pour pouvoir parler avec les danseurs. Et Bassiani, c'est le club qui se trouve sous le stade de foot. Donc ça a vraiment une vraie vision de l'underground, puisqu'il est littéralement dans les sous-sols du stade de foot, qui est quand même un symbole très hétéro et masculin. Et on a un club queer juste en dessous, donc qui parle de techno et dans lequel on peut danser jusqu'à 14h. Donc c'était un lieu qu'on a trouvé très intéressant dans son essence. Et ensuite, l'histoire de raconter « Marry me », donc « épouse-moi » à Bassiani, il y avait une vraie volonté de créer une sorte de paradoxe, une sorte d'oxymore de tradition et contestation et abolition de la tradition dans un sens. C'était vraiment faire un trait d'union entre les deux. Cette pièce est dans la continuité justement de votre travail de recherche sur les danses dites post-internet. Vous évoquiez tout à l'heure Toda Bonne, qui a été présentée au cours d'une précédente saison à la scène nationale de Cergy-Pontoise, à Point Commun. Je lisais, pour tenter de comprendre aussi votre approche artistique de la danse, vous faisiez référence à Pina Bausch, qui a dit ceci: « Je m'intéresse aux intentions qui portent la danse plutôt qu'au mouvement ». Vous pouvez nous préciser ce lien justement entre ce que représente Pina Bausch dans l'histoire de la chorégraphie contemporaine avec votre travail aujourd'hui? Alors c'est vrai que ça peut paraître toujours un écueil de citer Pina Bausch, mais elle dit tellement et elle a tellement bien dit les choses que c'est difficile de passer à côté ou de reformuler des idées qu'elle aurait déjà eues en fait. Et c'est vrai que ce qui nous intéresse dans notre travail, je pense qu'on a un amour véritable pour les danseurs, pour les personnes qui savent mettre leur corps en mouvement et qui veulent exprimer des choses à travers la danse. C'est un langage qui est universel, qui est extrêmement puissant, qui est rituel et qui est symbolique. Et c'est vrai qu'au-delà de la qualité du geste, qu'on sait apprécier, mais qui, après le temps, on se demande en fait quel est le bon, le mauvais, le beau geste, ce qui nous a encore plus touchés et émus, c'est de réfléchir à ce qui pousse les gens à bouger. Et donc la phrase en anglais de Pina, c'est « I'm not interested in how people move, but what moves them ». Donc elle n'est pas tellement intéressée dans la manière dont les gens dansent, mais ce qui les a poussés à bouger. Mmh. Et je pense que c'est quelque chose qu'on recherche dans cette espèce d'essence, que ce soit chez les plus grands danseurs ou les plus grands autodidactes, ou la personne qui va se mettre à mettre juste une vidéo YouTube d'elle en train de reproduire des gestes devant l'écran. Il y a toujours cette passion d'essayer de comprendre ce qui anime les corps pour s'exprimer de cette manière-là. Alors, le collectif La Horte que vous avez fondé, j'entends un certain nombre et je lis un certain nombre de choses à votre propos, au travers des créations qui ont déjà été présentées au public, des spectacles visuellement et formellement innovants pour étonner tout à la fois les spectateurs que les interprètes. De quelle manière les interprètes gardent cette fraîcheur de l'étonnement, voire de la surprise ? En fait, il faut savoir qu'on travaille essentiellement avec des communautés ou des groupes constitués. Donc c'est sûr que c'est un travail assez particulier. Et en fait, par exemple, quand on prend le cas pratique du jump style, C'est des danseurs en fait qui sont autodidactes, qui sont formés grâce à des tutos via internet. Donc ils ont appris tout seuls dans leur chambre et c'est une danse qui dure que 30 secondes. Donc forcément, quand on a été les contacter sur YouTube et qu'on a décidé de faire une pièce avec eux sur un grand plateau, pour eux c'était quoi qu'il arrive déjà quelque chose de très surprenant. Et c'est vrai que quand on a commencé à travailler avec eux, on n'avait pas mis de musique au début parce qu'on voulait les coordonner, parce que justement c'est une danse de soliste, donc de pouvoir justement les faire comme un corps de ballet, bah, il y avait aussi ce travail d'écoute qu'il fallait mettre ensemble. Et au dernier moment, ils pensaient qu'on allait mettre la musique, alors qu'en fait, nous, ce qui nous intéressait, c'était le rythme du pas. Là, maintenant, si on fait le basculement avec Marimène Bassiani, on a travaillé avec des danseurs folkloriques et traditionnels. Eux, ils ont vraiment l'habitude, justement, d'être dans des cadres de représentation, type Palais des Sports, ou Las Vegas, où ils vont faire 3 mois de Las Vegas. Ils appellent ça des concerts. Ça veut dire qu'en fait, c'est juste des illustrations de morceaux musicaux. Donc, c'est de 3 à 4 minutes. Et après, il y a une pause et tout le monde applaudit. Donc, même dans la construction, justement, du spectacle, pour eux, c'était déjà une surprise parce qu'on leur a dit que ça, nous, on était intéressés par ce cadre de représentation, qu'on allait l'interroger, mais qu'on allait aller beaucoup plus loin, justement, dans la représentation, si ça nous intéressait d'interroger, justement, ce cadre-là. Donc, forcément, du coup, c'est vrai qu'ils sont toujours assez surpris, mais ce qui est assez magique, c'est la confiance que ces interprètes nous font d'aller dans des territoires, des zones qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, c'est là où se produit, justement, de la magie parce qu'il y a vraiment ce lâcher-prise et cette découverte qu'il peut y avoir avec eux. Marimène Bassiani, la scène centrale, c'est le mariage. Donc, il y a un côté fortement connoté traditionnel et en même temps festif. Votre spectacle est à la fois artistique, mais tout aussi politique. Oui, de toute façon, on estime que l'art est toujours politique. Et même quand il décide d'être apolitique, il dit quelque chose du fait d'être apolitique. Donc il est évident qu'après, les discours sont plus ou moins lisibles ou visibles. Mais pour nous, c'est indissociable. Après, dans ce qu'on met en place, on essaye aussi de décoder un peu le monde qui nous entoure. Et je pense qu'on se pose des questions fondamentales qu'on essaye de présenter aussi au public. C'est-à-dire que déjà, on a un collectif, donc on n'a pas de vision manichéenne sur aucun sujet. En plus, notre objectif à nous trois, c'est vraiment de chercher cette zone de gris, de comprendre le « et ou ». C'est-à-dire que c'est ni noir ni blanc, c'est noir et ou blanc. Et on essaye de chercher comme ça des zones qui sont beaucoup plus ambivalentes et qui permettent de créer des sentiments qui sont tout aussi paradoxaux. Et donc forcément, dans cette scène, en fait, tout simplement, on se disait comment recontextualiser la danse traditionnelle pour qu'elle raconte ce qu'elle a à raconter. Et on disait, la manière la plus naturelle, c'est de remettre en scène un spectacle pour que les danseurs ne soient pas en train de danser pour le public, mais dansent pour eux-mêmes. Qu'ils soient dans une démonstration où ils dansent pour la mariée, ils dansent pour les mariés. Quand les mariés dansent, ils dansent pour leurs invités. Et il y a toute cette position qui donne une vision un peu différente de la danse, comme si on avait le droit, en fait, comme si on était invité à leur fête et qu'on avait le droit, enfin, de pouvoir regarder ce qui se passe dans la réalité de l'intimité en Géorgie. Et ensuite, pour le drame, pour le fil, la mariée ne veut pas se marier, mais au final, on comprendra bien que le marié veut peut-être pas se marier non plus. Et donc, il y a une espèce de réflexion sur comment continuer à célébrer des cultes qui sont vraiment ancestraux et qui peuvent avoir leur lot de beauté, tout en s'affirmant et en affirmant des choix qui peuvent être différents. Et donc on a une déconstruction du couple, on voit aussi des duos, des solos qui racontent aussi d'autres sexualités, d'autres amours, et on évolue comme ça vers des formes plus libres en expliquant qu'en fait la tradition et ces nouvelles manières d'aimer ne sont peut-être pas et ne sont certainement pas pour nous impossibles à mettre ensemble. Quand je faisais le lien entre l'artistique et le politique, j'imaginais plus l'idée d'une forme de manifeste pour la liberté, liberté de s'exprimer, liberté de se rencontrer. C'est un peu ça l'idée ? Ah oui, c'est les valeurs qu'on défend complètement. C'est-à-dire une ouverture, une grande tolérance, beaucoup de bienveillance, d'amour. C'est des termes qui paraissent un petit peu désuets aujourd'hui, mais auxquels on croit vraiment profondément. Et on peut aussi les défendre avec force et colère pour parler d'un monde qui est très difficile et qui est très injuste à beaucoup d'endroits. Donc ça, c'est vrai que quand on a l'espace pendant une heure et quart de faire traverser un univers, on aime montrer les valeurs qu'on prône haut et fort. Merci à vous deux. Merci d'avoir parlé de ce spectacle qu'il faudra découvrir le jeudi 6 février et le vendredi 7 février à 21h à Point Commun, la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et plus précisément au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Un grand merci à vous deux. J'ai vu que votre collectif conduit les destinées de la direction du Ballet National de Marseille. C'est une nouvelle aventure pour vous qui va vous maintenir malgré tout dans la création. On est très très heureux d'être à la direction du Ballet National de Marseille. C'est une expérience assez exceptionnelle. On a la chance donc d'être à la tête d'un ballet qui comporte 20 danseurs. Et donc on a toute la possibilité et tous les outils pour continuer très très fort la création et surtout inviter d'autres artistes à écrire aussi avec ce corps de ballet contemporain. Donc on va avoir une présentation en 10 dates au théâtre du Châtelet à Paris en mars pour un spectacle qui s'appelle Room with a View, sur lequel on travaille depuis notre arrivée au ballet et qui se fait avec l'artiste-compositeur de musique contemporaine Rhône. Donc ça, ce sera en mars au Théâtre du Châtelet. Merci, merci Marine, merci Jonathan. Vous saluerez Arthur pour que le collectif La Horde soit bien présent en totalité sur nos ondes. Merci à vous. Merci. Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Prochainement, à l'affiche. Il sera question du spectacle « Quand j'ai vu mon ombre vaciller » avec Mélanie Perrier, chorégraphe et chercheuse S subtilité relationnelle. J'avais gardé ça dans mes notes précieuses quand je vous ai présenté pour la première fois sur cette antenne de RGB. Est-ce toujours le cas, chercheuse S subtilité relationnelle ? Oh là là, quelle présentation! Oui, j'essaye de continuer à être ça. On avait parlé de cela à l'occasion d'une précédente création présentée à Point Commun, CARE, où il était question d'un manifeste éthique dansé, un manifeste de la relation à l'autre. Aujourd'hui, vous venez à notre micro pour nous présenter votre nouvelle création, Quand j'ai vu mon ombre vaciller, une création qui est en fait un ensemble, puisque c'est une expérience particulière, une expérience du sensible, une expérience sensorielle, une expérience poétique. Est-ce que cela vous convient déjà ? Si c'est ça pour le public, ça sera effectivement très bien. Expérience qui sera effectivement présentée en 3 temps, avec évidemment le spectacle « Quand j'ai vu mon ombre vaciller ». Il est question d'une méditation chorégraphique pour un trio de danseuses en aveugle et un violoncelliste qui, lui, est un musicien et compositeur tout-terrain, qui a pour nom Gaspard Claus. Alors venons-en d'abord à ce qui vous a donné l'envie, le désir de réaliser ce projet et cette création. Il y en a beaucoup. C'est un projet qui a débuté avec une envie de donner la place et la parole à toutes celles et ceux qui nous accompagnent dans nos vies. Après, il y a eu la disparition de Anne Dufour-Montel, qui est une autrice, philosophe, psychanalyste, qui a disparu en 17. Et j'étais en plein dans l'élaboration de la création. Et face à ce scandale de sa disparition, il y avait quelque chose d'une volonté très humble de porter un peu sa parole et de voir comment on pouvait porter une gratitude sur la manière dont les choses nous traversent. Vous parlez de philosophie. Je crois que ce spectacle, cette démarche artistique, elle-même repose sur une philosophie de votre projet. Vous avez dit qu'il est urgent de réinjecter du vivant, de la rencontre et de renouveler la perception de nos relations d'aujourd'hui. On voit effectivement que là, on est au cœur du sensible. Et je pense qu'on en a bien besoin. Particulièrement en ce moment. Particulièrement en ce moment, et pas que, mais enfin, ce sont des parcours, c'est une traversée que j'essaye de proposer aux spectateurs pour donner à voir non pas l'horreur de ce qui nous entoure, mais plutôt les richesses avec lesquelles on compose au quotidien. Projet qui porte une attention forte au sonore et au musical, composé en trois parties, une installation sonore, un spectacle immersif et un livre. Là, on se dit, quel est le lien entre les uns et les autres? Faudra venir voir. Ça, c'est effectivement les trois parties initiales, mais disons que la proposition pour Sergi, c'est une version inédite et augmentée, puisqu'il y a une quatrième partie qui n'a jamais eu lieu et qui est faite avec les enfants de Sergi, en tout cas certains, Maud va en parler, et l'installation sonore a été augmentée, c'est-à-dire c'est une nouvelle version, avec aussi tout un tas de personnes que j'ai pu rencontrer depuis quelques mois sur Sergi. Un véritable parcours, cette aventure, on peut même parler d'itinéraire, composé de différentes étapes. La première d'entre elles, c'est le nuage sonore, c'est un peu le prologue de votre projet. Oui, ça participe un peu à ce que j'ai pu mettre en place depuis quelques années. J'aime bien l'idée que ça ne commence jamais à partir du moment où on est assis sur son siège. Donc ça commencera à partir du moment où on franchira les portes du théâtre. Et l'idée est que chacun, chacune est invité à rentrer dans une salle autonome dans le théâtre, noire. Et là, il y aura une quarantaine de récits qui sont très différents, de petites et grandes histoires d'accompagnement de personnes qui ont accompagné. Donc aussi pour donner à voir ce que l'on met sous ce mot donc, que l'on utilise tellement aujourd'hui. Deuxième étape, balade sensible. Là, les enfants de Sergi, voire peut-être de l'agglomération, ont participé. On va le voir avec Maud dans quelques instants. Ensuite, on en arrive à la troisième étape, le spectacle immersif. Quand j'ai vu mon ombre vaciller, il est question d'une méditation chorégraphique. Précisez un peu votre idée. Alors c'est déjà aussi pour limiter les attentes, c'est-à-dire de s'attendre aussi en tant que chaque spectateur qu'on va rentrer dans quelque chose qui ne va pas être divertissant, mais qui va venir chercher profondément sa propre histoire. C'est une méditation, alors des fois on ferme les yeux, hein, donc on va au début pas forcément voir les choses. C'est-à-dire que le visible est en doute pour voir à peu près qu'est-ce qu'il y a en dessous du visible. C'est quoi ces présences qui nous sont données à voir. Donc voilà, c'est méditatif parce que la musique va aussi nous prendre et à la fin on a du mal à se réveiller. Je parlais pour ce spectacle d'un trio de danseuses en aveugle. Ça veut dire qu'elles-mêmes auront les yeux fermés durant ce spectacle ? Ça a été l'enjeu de la pièce. Elles ont les yeux fermés pendant les 50 minutes. Eh bien, elles doivent malgré tout se mouvoir et se mettre en relation autrement. Relation, fusion, basée sur différents états. Celui de la tendresse, celui des soins, de la solidarité. Effectivement, il y a des descriptions de la relation, de la rencontre à une, à deux, à trois personnes. Et tout cela en lien avec le musicien ? C'est ça. Il y a en tout cas la façon sensible de sentir la présence de l'autre ou en tout cas de la reconvoquer. Voilà. Et si je me souvenais de toutes les personnes et tous les gestes qui ont pu m'accompagner et qui font ce que je suis aujourd'hui. La personne physique comme l'ombre, car je rebondis sur le titre du spectacle, quand j'ai vu mon ombre vaciller. Elle est partie intégrante, ces ombres ? Elles sont toujours autour et peut-être pas si loin que ça. Donc oui, on écoute et ces présences qui sont autour, réelles ou disparues. Et puis il y a effectivement la présence du musicien que l'on va découvrir. Est-ce qu'il est en dialogue avec les danseuses ? J'ai cru lire qu'il compose sa propre partition, mais quand même en lien avec ce qui se passe sur cette scène. C'est de la musique en live, hein, on est bien d'accord ? Tout à fait, c'est-à-dire qu'il est littéralement avec les danseuses et ça ne peut avoir lieu qu'avec ce trio. Ça se joue avec elles, à leur mesure, en fonction de voilà, comment les choses progressent. Et puis, il y a une autre personne hors champ qui est dans la salle également, qui est Nicolas Martz, qui est au-dessus, et qui va, avec Gaspard Claus, jouer en direct et composer en direct la musique qui va nous accompagner. Donc c'est une affaire à cinq, cette histoire. Autre présence et partie prenante de ce spectacle, c'est cette relation entre la danse et la lumière. Qui dit ombre, dit obscurité, éclairage. C'est un travail presque de plasticien pour jouer avec la lumière. Clairement, c'est-à-dire que le créateur lumière est venu nous accompagner dès le début pour qu'on puisse créer ensemble aussi ce paysage-là. J'ai eu envie, pour une fois, de voir les ombres, parce que j'ai mis des années à essayer de masquer. Là, il s'agissait d'être face à ces ombres, et puis de mettre en doute ce que je disais tout à l'heure, le visible. C'est un travail d'orfèvre ou de magicien, mais des fois, on les voit apparaître et on ne sait pas trop comment, et puis elles disparaissent aussitôt. Je lisais que la musique va aussi envelopper, cette image d'envelopper les spectateurs. C'est un peu l'idée de cette relation particulière qui va se nouer entre, d'un côté, les artistes sur scène, avec toute la description qu'on vient d'en faire, et le public qui est partie intégrante de cette affaire. Mais le public, il est au milieu de tout ça. Et j'avais envie vraiment d'avoir une réelle attention sur le fait que la musique et le son viennent un peu de part et d'autre, pas forcément toujours de face, comme on a plutôt l'habitude, et que là encore, on ne sait pas exactement d'où ça vient, et que ça ressasse un petit peu, ça peut venir en dessous, ça peut venir de derrière, mais on est nécessairement pris au fur et à mesure dans quelque chose qui va grandir, grandir, grandir. Expérience sensible, sensorielle, je pense que là, on comprend bien effectivement ces dimensions auxquelles nous sommes conviés. Alors, Maud Lucas, chargée des relations avec les publics à Points Communs, pour participer de ce projet, de cette belle aventure dont il est question, il a fallu faire appel à des participations extérieures pour réaliser le nuage sonore, d'abord, peut-être, nous dire qui sont ceux et celles qui ont participé à cette aventure. On a pu travailler, ou en tout cas enfin échanger avec notamment des personnes qui travaillent à l'hôpital René Dubos. On va avoir des personnes qui se confrontent régulièrement à des personnes en situation de handicap. On a des foyers. Il y a eu plein de recherches et de rencontres qui ont été faites avec des associations du territoire qu'on connaissait déjà et qui ont du coup bien voulu nous raconter leur histoire. D'autres ont été participants directement aussi à ce projet. C'est les scolaires. Oui. En particulier l'école Chemin du Puy à Cergy et le lycée Camille Claudel à Vauréal. Sous quelle forme ils participent de ce projet? Je saurais dire que très peu de choses, étant donné que c'est pas moi qui suis directement le projet à Vauréal, mais c'est vrai qu'il y a une dimension plastique beaucoup plus importante. En ce qui concerne l'école primaire de Chemin du Puy, là on travaille avec deux classes de niveaux différents, avec deux danseuses donc de la compagnie de Mélanie. Et l'idée était justement de parvenir à faire que les enfants s'écoutent, à faire qu'ils prennent appui l'un sur les autres pour en fait proposer avant le spectacle une première expérience aux spectateurs. L'idée en fait, voilà, s'ils le souhaitent, c'est qu'ils soient au bras de ces enfants, qu'ils les accompagnent dans cette chorégraphie qu'ils auraient travaillée en amont avec l'aide aussi de l'association Les Auxiliaires des Aveugles, avec une personne malvoyante qui nous a accompagnés dans ce projet. Tout à l'heure, Mélanie Perrier, on parlait de quatre étapes. En quelques mots, nous parlais de la dernière étape, l'épilogue. L'édition d'un livre en édition limitée, c'est ça ? Exactement, il sera proposé à l'issue du spectacle, pas avant. C'est un livre assez délicat qui rassemble 80 dessins qui sont considérés comme des partitions de souffle et qui ont été élaborés sur l'ensemble de la création. Ça a pris presque un an et demi, qui ont été réalisés par des enfants, des personnes âgées, enfin tout un tas de personnes qui ont de près ou de loin accompagné ce projet. Et c'est un livre qui est à offrir et qui est aussi un livre où on peut, il y a la première page est réservée pour celle ou celui qui va avoir le livre, pour le faire avec quelqu'un qui nous accompagne. C'est un livre, presque un livre-jeu, un livre transactionnel, un livre où on peut témoigner de sa gratitude envers quelqu'un qui nous accompagne au quotidien. Le rendez-vous, il est à prendre. Plusieurs occasions pour ceux et celles qui nous écoutent d'aller découvrir ce travail, en particulier, effectivement, le spectacle « Quand j'ai vu mon ombre vaciller », spectacle immersif, mercredi 29 janvier à partir de 19h30, le jeudi 30 janvier à partir de 18h30, le vendredi 31 janvier à partir de 19h30. Ça sera au Théâtre 95 à Cergy Grand Centre. Et de mémoire, il y a une rencontre avec l'équipe artistique qui aura lieu à l'issue de la représentation du 30 janvier. Merci. Merci. Merci. Mmh. Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Ahmed Madani, bonjour. Bonjour. Nous allons parler ensemble d'un spectacle qui sera présenté prochainement par Point commun sur l'agglomération de Cergy-Pontoise à Lantarès à Vauréal le mardi 28 janvier à 20h30. Votre spectacle rebondit, si je peux dire, avec des événements que nous avons tous connus en France qui ont marqué, à mon avis, durablement notre mémoire collective. Ce sont les attentats de janvier 2015. À ce moment-là, j'étais en train d'écrire une pièce qui mettait en scène une adolescente avec sa maman. Et donc moi, je suis un auteur qui vraiment inscrit son écriture sur la dimension sociétale, c'est-à-dire sur vraiment notre histoire contemporaine, sur les rapports sociaux, sur l'actualité aussi. Et il me semblait très difficile à ce moment de mon écriture de pas évoquer ce qui se passait dans notre histoire contemporaine et les événements terribles qui avaient lieu à ce moment-là. Donc, ma pièce, en fait, elle a un petit peu basculé vers une problématique qui n'était pas immédiatement dans mon inspiration, mais qui a été totalement liée à ce qui se passait à ce moment-là dans le pays. Alors, c'est vrai que on se rencontre effectivement au travers de votre spectacle les dangers. Souvent on parle des dangers d'Internet, même s'il y a aussi des avantages en grand nombre. Il y a une forme de double usage d'Internet. Celui dont il est question, c'est plutôt les dangers, et en particulier pour rappeler que les adolescents sont des proies faciles pour tous les prédateurs, en particulier sur les réseaux sociaux. Oui, et puis c'était aussi, ça posait la question de la vérité, du mensonge, des masques, de tout ce qui, en fait, est dit et raconté sur Internet globalement, c'est-à-dire qui est une source de connaissances immense, mais aussi une source de falsification, et parfois de choses qui ne sont pas totalement vérifiées, donc et qui mériteraient, au-delà d'être une grande encyclopédie universelle qui nous apporterait toute la connaissance, il y a quand même, à l'intérieur de ce grand réseau de communication et d'échange, parfois, très souvent, il faut vérifier sa source, vérifier la connaissance qui est transportée. Et là, en l'occurrence, c'était la question du faux-semblant, de ce qui apparaît simplement à l'écran comme ça, qui utilise une espèce de verbiage qui pourrait être réconfortant, surtout pour une adolescente qui était en perte de repères, en situation de troubles affectifs importants, et qui peut être comme ça happée par une idéologie ou des idées, ou être manipulée par des personnes malveillantes. Et c'était le cas qui se produit dans cette pièce, c'est-à-dire qu'elle est sur son Facebook, elle reçoit des messages, hop, c'est sympathique, il y a un dialogue qui s'instaure, il y a une espèce de rêve possible d'une vie chevaleresque, magnifique, une forme d'exaltation de sa jeunesse, de sa soif de vivre, de vouloir se rendre utile, et puis là, elle se trouve embarquée dans quelque chose qui la dépasse complètement et dont elle ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Avec tout ce que ça signifie comme risque de manipulation qui sont sans limite généralement sur Internet, comme d'ailleurs ça peut être dans le reste de la société, mais là c'est assez accentué, le moins qu'on puisse dire. Oui, absolument. Parce que c'est du fait de la relation virtuelle. Ben voilà, et parce que comme la relation est virtuelle et qu'on ne sait pas, on ne connaît pas vraiment la personne qui est en face de nous, elle peut nous, comme il ne se voit pas au départ, c'est vraiment des échanges de SMS, de messages comme ça, donc il y a une espèce de confiance qui s'établit au fur et à mesure, et puis à un moment donné, il y a une autre étape supérieure où là, on se voit, et puis il y a aussi une donnée extrêmement importante dans cette œuvre, c'est celle de la séduction. Séduction de la parole, séduction de la beauté, du charme, et puis cette jeune femme va tomber sous le charme, en fait, c'est réellement ça, sous le charme, elle est fascinée par ce personnage, et puis elle se laisse emporter par lui, alors qu'il y a une relation totalement perverse qui s'instaure, donc c'est à la fois une mise en garde de ce qui peut advenir sur les réseaux sociaux, mais aussi la prise de conscience que soi-même, quelle vérité on transporte sur un réseau social quand on fait un selfie, on est absolument beau, souriant, et puis en fait on est en pleine dépression. Il y a quand même un décalage total entre l'image qu'on renvoie et la réalité de la personne que nous sommes. Mmh. Et c'est vraiment le sujet de cette pièce, puisqu'elle met en scène une mère et sa fille dans un moment difficile de leur relation. L'adolescente est en pleine interrogation, elle pose des soucis à sa maman, qui elle-même est en interrogation. Et du coup, dans cet état-là, surgit ce personnage qui va clarifier d'une certaine manière les choses et puis poser des rapports, dans le fond, assez violents entre la mère et la fille. Mmh. Relation mère-fille, allais-je dire, qui est bien développée dans un spectacle comme celui-ci, au-delà du sujet lui-même, probablement. Absolument, c'était d'ailleurs le fond de ma recherche, hein, puisque cette pièce s'inscrit dans une trilogie dans laquelle je m'interroge sur les relations de ces jeunes dont les parents ont vécu l'immigration et qui sont donc qui vivent en France, qui sont nés en France et qui se posent des questions sur l'origine familiale, l'histoire familiale, la manière de se projeter dans la vie contemporaine et dans le futur. Et donc il y a des troubles culturels, en fait, d'identité d'une certaine manière. C'est le cas pour cette petite famille-là. Cette intrusion comme ça de ce personnage qui vient un peu perturber la relation à l'histoire familiale, la relation à la religion, qui vient inquiéter, va interroger aussi cette mère dans son rapport à sa propre mère. Donc c'est une histoire de filiation entre mère, grand-mère et petite fille. Voilà, ça vient un peu stigmatiser cette tension qui existe déjà, qui était sous-jacente dans l'histoire de ce duo. Et en même temps, ça renvoie à des grandes questions qu'on a aujourd'hui dans notre société, de cette notion, entre guillemets, dite d'intégration, de construction d'une personnalité, d'une sensibilité, avec des éléments historiques, familiaux, et puis comment ça s'inscrit dans la société contemporaine, dans la vie d'aujourd'hui, et puis comment ce désir de spiritualité, qui est très fort, de plus en plus fort chez la jeunesse, parce que le monde est tellement matérialiste, tellement radical, tellement violent, que les adolescents s'interrogent finalement sur la fidélité, sur quelle est leur place dans la société, comment ils peuvent avoir une reconnaissance, comment leur parole peut être entendue, et c'est tout le sujet de la pièce où finalement on a une ado et une adulte qui essaie de dialoguer, et puis un personnage intermédiaire qui n'est plus un ado, qui est déjà une espèce de pré-adulte, mais qui a déjà qui s'est forgé toute une histoire personnelle en rupture, fatalement en rupture, et donc il va positionner la jeune femme dans une rupture encore plus grande. Presque un choc de culture, comme un choc générationnel. C'est surtout ça, oui, je pense que vous avez le mot juste, il y a un vrai choc générationnel, parce qu'à un moment donné, la mère, elle est complètement dépassée par finalement la pertinence parfois de la réflexion de sa fille, qui l'interroge sur sa propre histoire à elle, sur comment elle voit le monde et sur son métier, parce qu'elle est prof, elle se demande mais à quoi ça sert, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai suffisamment bien agi, est-ce que nous les profs on accompagne suffisamment les jeunes pour leur ouvrir la vie du monde, pour les éclairer, et ça en fait c'est pas une question qui est simplement liée à des gens qui vivent dans des quartiers populaires, c'est quelque chose qui est général à notre société et qui est global sur la relation finalement parent-enfant, avec une espèce d'avenir très flou que nous adultes on propose à nos enfants, et qui enfin on doute énormément de ce qu'on leur propose, et puis les jeunes voient ce doute, alors ils s'immiscent là-dedans, et ça génère beaucoup de conflits, beaucoup de questionnements sur le sens même de notre éducation. Mmh. Et c'est tout le sujet de la pièce, en vérité. Ahmed Madani, ce qu'on n'a pas précisé, mais vous venez de le souligner presque, l'histoire de cette jeune adolescente, donc Nina, sa mère est algérienne. Elle aurait pu ne pas être algérienne ? Oui, mais totalement, parce que d'ailleurs c'est une pseudo-algérienne puisqu'elle est née en France, elle a grandi, elle a plutôt 45 ans, elle est totalement installée, elle est un peu coupée de la tradition parce que c'est une femme qui s'est libérée, qui se dit libre, qui se dit indépendante, qui se dit évoluée, qui se dit ouverte, qui a fait des ruptures, dont elle a payé le prix assez cher pour justement vivre sa propre vie. Et là, donc elle se trouve dans une situation où sa fille, finalement, régresse par rapport à elle, elle ne comprend absolument pas ce qui se passe pour sa fille. Et puis le père est absent, donc ça c'est quand même un élément qui est extrêmement important, parce qu'il y a beaucoup de familles monoparentales, où dans le fond les pères disparaissent, enfin ils ont une force beaucoup moins importante que dans une famille plus traditionnelle, patriarcale, sur le modèle où voilà, le chef de famille est là, il pose la loi. Et ça je le rencontre infiniment dans plein de relations que j'ai avec des adolescents, quand je les fais parler de leur famille, de leur structure familiale, de la place du père, et souvent, bah, évidemment, la société a beaucoup évolué, les couples se sont reconstruits, c'est les familles reconstruites, monoparentales parfois, mais avec autrement, donc des enfants d'un couple différent qui essaient de construire une nouvelle famille. Donc ça interroge énormément toutes ces questions-là, et cette pièce, elle est aussi une réflexion, dans le fond, sur les nouveaux enjeux de la famille. C'est vraiment ça provoque vraiment beaucoup de discussions au-delà de la question de la radicalisation des réseaux sociaux, des choses comme ça. Et puis il y a une capacité très forte des jeunes à s'identifier au personnage de l'adolescente, parce qu'ils se retrouvent dans des situations de vie quotidienne qu'ils ont vécues quand la mère entre dans la chambre, qui est un lieu privé, en fait, qui est devenu un lieu privé. Et il y a 50 ans, les chambres n'étaient pas privées parce qu'il y avait plusieurs enfants qui étaient dedans, puis des fois on ne vivait pas de la même manière. Alors que là, bah, quand elle rentre dans la chambre et qu'elle commence à regarder dans l'ordinateur et tout ça, là, tous les jeunes, ils sont très choqués. Ils supportent pas ça, parce qu'on rentre dans leur intimité et dans leur histoire personnelle et singulière. Et donc, voilà, c'est une réflexion, évidemment, sur comment on fonctionne la famille, comment elle s'inscrit dans la société d'aujourd'hui, et puis bah, les dangers qui peuvent réussir à entrer dans ces troubles de la relation familiale aujourd'hui. Alors, un sujet effectivement qui au départ pourrait sembler être un sujet d'actualité brûlante et qui n'est pas forcément facile à aborder. On parle de manipulation, on parle de fascination, on parle effectivement de l'espoir, voire de l'idéal d'une jeunesse aussi au travers de ce que vous venez de dire. Et malgré le caractère difficile, malgré le caractère violent, parce que quand on parle de djihadisme, on sait quelles ont été les conséquences de ces actes dans un pays comme le nôtre. Cependant, vous traitez votre pièce sous la forme d'une comédie. On parle de la place, effectivement. Vous n'avez pas négligé dans votre travail l'humour. Oui, mais totalement. Alors, c'est-à-dire que moi, je considère que le théâtre, c'est un divertissement. Évidemment, ça peut devenir une tribune politique, on peut exposer des idées, etc. Mais ça devient vite rébarbatif, en fait. La fonction du théâtre, dans la tradition classique, je songe à Molière, enfin aux grands auteurs, qui avaient cette force comme ça, de par la dérision, par l'humour, par la drôlerie, bah, de poser des problèmes de la société, et en même temps de donner du plaisir aux spectateurs. Et ça, c'est extrêmement important dans ma démarche, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la joie de la relation entre public et interprète sur scène, qu'il y ait un échange, qu'il y ait des enjeux, et puis aussi qu'on ne se prenne pas non plus extrêmement au sérieux, même sur des questions d'une grande gravité comme celles qui sont soulevées par la pièce. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir suffisamment de recul et de distance pour nous ramener à notre endroit. Moi, je suis juste un poète, voilà, je suis un saltimbanque, je raconte des histoires, je suis un raconteur d'histoires, et j'aime que ces histoires, finalement, emportent le public dans un autre univers que l'univers quotidien qu'il a. Et donc, il y a le mécanisme de la Deus Machina qui va jouer, les situations très incongrues qui surviennent, et tout ça sur la question de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Où est la vérité ? On cherche la vérité pendant toute la pièce, et en même temps, à cette quête de vérité, on s'aperçoit que bah, dans le fond, elle est variable, la vérité. Et puis, dans ce jeu qui se passe sur scène, il y a des moments de grande tension,